Sainte Bible selon saint Jérôme, second livre des Rois, chapitre 7. Or Élisée dit, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur. À ce temps-ci demain, le boisseau de fleurs de farine sera à un statère, et deux boisseaux d'orge à un statère à la porte de Samarie. Un des chefs de l'armée sur la main duquel le roi s'appuyait, répondant, dit à l'homme de Dieu, quand le Seigneur ferait même des cataractes dans le ciel, ce que tu dis pourrait-il être? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras point. Or quatre hommes lépreux étaient à l'entrée de la porte, qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi voulons-nous être ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous voulons entrer dans la ville, nous mourrons de faim. Si nous restons ici, il nous faut mourir. Venez donc et nous passerons au camp des Syriens. S'ils nous épargnent, nous vivrons. Et s'ils veulent nous tuer, nous mourrons tout de même. Ils se levèrent donc le soir pour venir au camp de Syrie. Et lorsqu'ils furent venus à la tête du camp de Syrie, ils n'y trouvèrent personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp de Syrie un bruit de chariots, de chevaux et d'une armée innombrable. Et les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a engagé à prix d'argent contre nous les rois des Éthéens et des Égyptiens, et ils sont venus sur nous. Ils se levèrent donc et s'enfuirent dans les ténèbres, et laissèrent leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, et ils s'enfuirent, désirant sauver seulement leurs âmes. Ainsi, lorsque ces lépreux furent venus à la tête du camp, ils entrèrent dans un tabernacle, ils mangèrent et burent. Et ils en enlevèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, et ils s'en allèrent et les cachèrent. Et étant encore retournés, ils entrèrent dans un autre tabernacle, et en emportant des choses semblables, ils les cachèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nous ne faisons pas bien, car c'est un jour de bonne nouvelle. Si nous nous taisons et que nous ne voulions point l'annoncer jusqu'au matin, nous serons accusés de crime. Venez, allons et l'annonçons à la cour du roi. » Et lorsqu'ils furent venus à la porte de la ville, ils leur racontèrent, disant, « Nous avons été au camp de Syrie, et nous n'y avons pas trouvé un seul homme, mais seulement des chevaux et des ânes attachés et des tentes plantées. » Les gardes de la porte allèrent donc et l'annoncèrent au palais du roi intérieurement. Le roi se leva dans la nuit et dit à ses serviteurs, « Je vous dis ce qu'ont fait les Syriens. Ils savent que nous souffrons de la faim, et c'est pour cela qu'ils sont sortis de leur camp et se sont cachés dans la campagne, disant, « Lorsqu'ils sortiront de la ville, nous les prendrons vivants, et alors nous pourrons entrer dans la ville. » Or un des serviteurs répondit, « Prenons les cinq chevaux qui sont restés dans la ville, puisqu'il n'y a seulement que cela dans toute la multitude d'Israël, car les autres ont été consumés. Et en envoyant, nous pourrons aller à la découverte. » On amena donc deux chevaux, et le roi envoya au camp des Syriens, disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent donc après les Syriens jusqu'au Jourdain. Mais voilà que toute la voie était pleine de vêtements et d'armes que les Syriens avaient jetés, parce qu'ils étaient troublés. Et étant revenus, les messagers en donnèrent avis au roi. Alors le peuple étant sorti pilla le camp de Syrie. Et un boisseau de fleurs de farine fut donné pour un statère, et deux boisseaux d'orge pour un statère, selon la parole du Seigneur. Or le roi avait établi à la porte de la ville le prince sur la main duquel il s'appuyait. Et la foule du peuple l'écrasa sous les pieds à l'entrée de la porte. Et il mourut, selon que l'avait dit l'homme de Dieu, quand le roi était descendu chez lui. Ainsi, il arriva, selon la parole de l'homme de Dieu qu'il avait dit au roi, lorsqu'il affirma, « Deux boisseaux d'orge seront à un statère et un boisseau de fleurs de farine à un statère. » À ce même temps, demain, à la porte de Samarie. Et lorsque le chef de l'armée eut répondu à l'homme de Dieu, « Quand le Seigneur ferait des cataractes dans le ciel, ce que vous dites pourrait-il se faire ?» Il lui répliqua, « Tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras point. » Il lui arriva donc comme il avait été prédit, et le peuple l'écrasa sous les pieds à la porte, et il mourut. De la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire. Pour le site jésusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.